qui était vraiment Charles Martel? L'extrême droite a fait de Charles Martel le héros au nom duquel elle mène son combat contre ce qu'elle appelle le péril islamiste. Un grand nombre d'attentats meurtriers furent perpétrés dans les années 70-80 par un commando se réclamant déjà de Charles Martel. Le plus sanglant eut lieu à Marseille le 14 décembre 1973. Une bombe explosa devant le consulat algérien qui fit 4 morts et 22 blessés. En 1996, Charles Martel fut remis à l'honneur dans le fameux essai de Samuel Huntington sur le choc des civilisations. Et tout récemment, le polémiste Éric Zemmour n'a pas hésité à affirmer qu'aujourd'hui, l'époque de référence n'est plus la Révolution française, mais celle de Charles Martel. Mais qui était donc ce Charles Martel? Et pourquoi fascine-t-il autant les idéologues d'extrême droite? Pour le savoir, il faut remonter jusqu'au début du Moyen-Âge, puisqu'il est né vers 688 et mort le 22 octobre 741. Duc des Francs et maire du palais, sans être roi, il dirigea la Francie de 718 jusqu'à sa mort et mena de nombreuses campagnes militaires qui firent des Francs les maîtres incontestés de toute la Gaule. L'événement qu'il a imposé dans les chroniques anciennes comme l'un des grands héros de l'histoire de France, c'est la fameuse bataille de Poitiers en 732 qui opposa les troupes arabo-berbères d'Abd al-Rahman, l'émir de Cordoue, aux Francs de Charles Martel. La victoire de ce dernier est interprétée par l'extrême droite, identitaire d'aujourd'hui, comme un coup d'arrêt porté par la France chrétienne contre l'offensive des islamistes qui auraient déjà été engagés dans leur combat multiséculaire pour le grand remplacement. Les historiens sérieux se démarquent de ces affirmations fantaisistes en précisant qu'aujourd'hui encore, même la date et le lieu de cet événement ne font pas consensus. Certains d'entre eux pensent qu'en réalité cette bataille eut lieu à Tours et non à Poitiers. Par ailleurs, les questions religieuses qui obsèdent les identitaires n'étaient pas la motivation principale des combattants de cette époque. Faire de Charles Martel le grand protecteur de la chrétienté, c'est oublier qu'il a accumulé une bonne partie de ses richesses en pillant des églises et qu'il a refusé d'apporter son soutien au pape. À cette époque, le concept de croisade n'existait pas encore chez les chrétiens, pas plus que celui de djihad en armes du côté musulman. Aucune source ne prouve qu'Abd al-Rahman ait eu l'intention de conquérir la Gaule, ni même Poitiers. Son objectif principal semble avoir été de piller les richesses franques du Sud. Parler de la France pour cette époque, c'est un anachronisme. Ces batailles opposaient des chefs de guerre cherchant à agrandir leur domaine par la force, en tissant au besoin des alliances de circonstances. Ce fut d'ailleurs le cas à cette époque pour le duc d'Aquitaine, qui s'efforçait de maintenir un équilibre entre les Francs et les Arabes. Il fut sans doute le grand perdant de la bataille dite de Poitiers, car la victoire de Charles Martel lui fit perdre son autonomie. Charlemagne, le petit-fils de Charles Martel, enfonça le clou en prenant le contrôle de l'Aquitaine et de la Provence pour devenir le premier empereur d'Occident depuis la chute de Rome.